Choubidouap, choubidouap, wap, wap. Bonjour, bonjour. Et choubidouap. Oui, ça va être très jazz aujourd'hui, dans Cargo Culte. Non, partez pas. Partez pas. C'est pas ce jazz-là. C'est l'autre. C'est celui qui est comme on va l'entendre. Voilà. Ken Nordin, aujourd'hui. Ken Nordin est un disque à peu près ovni, quel que soit le bout par lequel on le considère, qui s'appelle Colors. Alors, de quoi s'agit-il ? Ken Nordin est un personnage ultra connu et totalement méconnu en même temps. Alors, ultra connu, pourquoi ? Parce que c'est une voix. C'est un gars qui fait du voice-over. Donc, c'est ces grandes voix de doublage, c'est ces grandes voix qu'on entend dans les trailers hollywoodiens. C'est évidemment une voix de radio absolument exceptionnelle. Vous allez le découvrir petit à petit, un baryton incroyable. Et alors, un produit de culture 200% américaine, évidemment, mais dont le rayonnement a pu quand même traverser l'Atlantique, mais bien après. Mais dans la culture mainstream américaine, effectivement, la voix de Ken Nordin, c'est quelque chose qui est rentré dans tous les foyers, et pour cause, puisque son grand instrument de médiation, c'était, et ça a toujours été, la radio, mais principalement la radio. Mais vous savez ce qu'on dit, hein, quand vous êtes très connu à la radio, personne ne connaît votre tête en vrai, hein. Donc, ce qui est finalement souvent un avantage dans ce cas-là. Donc, Ken Nordin artiste, Ken Nordin est lui, par contre, totalement inconnu. Donc, on a une figure, et je vais justifier assez vite pourquoi et comment, on a une figure avec Ken Nordin qui est à la fois populaire et à la fois extrêmement underground. Alors, parfait pour nous, pour camper un cargo culte de cet acabit, mais avec un personnage comme celui-là aujourd'hui. Et donc, l'album que j'ai présenté aujourd'hui s'appelle Colors, date de 1966, enfin 66-67. Le projet s'échelonne sur deux années. L'édition, la première édition, elle, ce sera en 1967. Alors, j'y viens pas tout de suite. Il faut raconter très rapidement l'histoire, mais surtout le background de ce bonhomme. Hein, c'est quelqu'un qui naît en 1920, il va mourir au début de l'année 2019. C'est quelqu'un qui va être quasi centenaire finalement, 99 ans, bravo. Et croyez-moi, sa vie était incroyablement bien remplie. Il est né dans l'Iowa, il déménage pas très très loin, l'Iowa, ça doit toucher l'Illinois, et dans l'Illinois, la ville par excellence, c'est Chicago. Et il débarque jeune, et il fera toute sa carrière à Chicago, il n'en bougera pas. Et c'est Ken Nordin va prendre un emploi assez jeune à la radio WBEZ dans les années 40. La radio, elle appartient à ce National Board of Education à ce moment-là. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, Chicago Board of Education. Et il va, en 1955, se faire remarquer dans le cadre d'un programme qui est absolument culte dans tous les États-Unis. C'est The World Great Novel Radio Show. NBC qui produit ça, donc NBC c'est l'acronyme très connu de National Broadcasting Company. Et ce programme il commence dans les années 20, donc c'est totalement historique dans l'histoire de la radio. Quand c'est ces grandes années de la radio, effectivement la télé il n'y a pas d'Amel Pion, et où on fait des adaptations littéraires, parfois sérieuses, mais aussi talentueuses, sur des grandes chaînes radio comme celle-là. Et l'adaptation de Ken Nordin va être assez intéressante, et pour le dire, on peut même dire complètement osée aux États-Unis à ce moment-là. Il s'agit d'adapter Balzac, Une passion dans le désert, une nouvelle de Balzac. C'est pas un des grands romans de la comédie humaine, mais enfin, il fait partie de la comédie humaine, mais c'est parfaitement adaptable à la radio, et la preuve. Et ça a été un des programmes les plus salués du truc. D'autant plus étonnant que Balzac aux États-Unis, ça parle pas à tout le monde. Alors certes, on est à Chicago, qui est une ville avec une activité intellectuelle assez intense, c'est toujours le cas aujourd'hui, donc ceci peut expliquer cela. Bref, Ken Nordin est instruit, et il s'adresse à des gens, ma foi, qu'ils sont parfois tout autant. Mais la vraie vie de Ken Nordin, elle va commencer en 1957. Ken Nordin a 27 ans à ce moment-là, et il va commencer un projet tellement incroyable. C'est un projet au long cours, c'est un concept mère qu'il appelle de deux mots ultra simples et qui sont le parfait résumé de toute l'histoire de Ken Nording. Ces deux mots sont world jazz. Voilà, le jazz et les mots. World jazz. Et ça, c'est jusqu'à la mort de Ken Nordin, hein, en 2019, que jusqu'à peu de temps avant sa mort, il est toujours accroché à ce projet. Et c'est un projet mothership où plein d'actions vont se mêler. World jazz, c'est quoi? Bah, finalement, c'est du spoken word, mais c'est de la poésie, surtout. Et c'est, même si ça ne s'appelle pas encore comme ça à l'époque, c'est du sound design. Mais c'est un sound design jazz. C'est un sound design beat. On est en plein la beat era des États-Unis à ce moment-là. Autant le projet va d'abord être un projet discographique. L'album éponyme World of Jazz, World Jazz sort en 1957, mais il est suivi assez rapidement de Son of World of Jazz. Et puis d'une autre palanquée de disques, mais rapidement, et spécialement à partir des années 70, Ken Nording, toujours d'ailleurs sur la radio que je nommais tout à l'heure, Radio WBEZ, va animer de façon hebdomadaire un show d'une demi-heure qui s'appelle World Jazz. Alors j'y reviendrai probablement un petit peu, mais je nous remets dans l'époque absolument bénite des années 50 et Scurr des années 60 qui va voir apparaître l'album dont on parle aujourd'hui, Colors. Il est en plein pied dans le concept de world jazz, mais il en est aussi un pied de nez, il est décalé. J'explique pourquoi tout à l'heure. Revenons sur l'époque. Ken Nordin est totalement baigné, influencé donc du mouvement beat. Et cette beat generation, elle est encore totalement en germe. Kerouac, même Ginsberg ne s'est pas encore trop exprimé, Kerouac est là, et puis bien sûr tout le monde est friand sur la musique, sur le bebop, quoi. La beat generation. Et Nordin, il participe en plein, mais plutôt comme observateur que comme acteur. Et parmi tous les poètes beat qui peuvent graviter à ce moment-là, bah, autour de ça, Ken Nordin n'est pas totalement assimilé à eux. Mais de fait, il en est un peu une... Il serait comme un tonton bienveillant. Alors qu'il n'est pas spécialement beaucoup plus vieux qu'eux non plus. Mais Nordin, qu'on a beaucoup associé effectivement au mouvement beat, y est et y est pas. Alors pourquoi il y est pas complètement? Et à mon avis, c'est là qu'est son talent. Parce que, je le répète, je parle de Ken Nordin comme un homme de radio, mais maintenant, là, on va sur les chemins de la poésie. Tous les textes de Ken Nordin sont bien sûr ses propres textes. Et l'album qu'on va découvrir aujourd'hui les met particulièrement en avant et dans un concept que un tout petit peu étrange que je révélerai tout à l'heure. Mais revenons donc à cette génération de la poésie. Finalement, les obsessions et puis les influences de Ken Nording, c'est pas sur ses compères Kerouac et autres qu'elles sont. Elles sont plus fantastiques que ça, au sens propre. C'est-à-dire qu'on y trouve du Edgar Allan Poe, on y trouve une influence aussi européenne façon Kafka. Avec des textes comme ça, lourds, à double entente, assez cinglants, parfois sombres, mais souvent, et heureusement, extrêmement ironiques. L'autre différence qui fait que Ken Nordin ne peut pas être totalement affilié à la génération beat, et tant mieux pour lui, bah c'est que c'est un des rares gars à l'époque qui vit de son art, et plutôt bien. Et pour cause, je reviens sur son job premier. Homme de radio, oui, mais voice over, voix off, qui va devenir une voix fondamentale de l'univers audiophonique, appelons-le comme ça, américain. Et là, j'en viens à ce qui va faire vraiment sa gloire, c'est-à-dire que Nordin va être recruté par Hollywood et il va initier avec Hollywood, le grand cinéma d'Hollywood, ce qui est devenu un standard aujourd'hui dans toute production cinématographique, c'est-à-dire le culte, le sound design des trailers, c'est-à-dire des bandes-annonces. Il ne vous aura pas échappé que les bandes-annonces, pour à peu près n'importe quel film d'action aujourd'hui, sont campées par une grosse voix bien burnée, quand bien même cette voix-là, vous ne la retrouverez jamais dans le film qui est présenté dans la bande-annonce. Et ça, c'est un exercice quasiment systématique aujourd'hui. Ça n'existe pas avant Ken Nordin. Et c'est Ken Nordin qui va finalement initier ce genre d'exercice. Et croyez-moi, il va palper l'argent qu'il mérite sur ce genre de truc. Donc, bien à lui. Et qui dit sound design dit aussi publicité. Et alors là, il va y avoir des grandes publicités qui vont concerner Ken Nordin. Il va notamment être la voix officielle de Levi's, les jeans Levi's, sur la télé américaine et aussi la radio, je crois, des années 70 à 80 inclus, enfin sur quasiment 20 ans. Donc voilà, on est donc dans le sound design, on est dans une voix qui devient un trademark. Et toute la vie de Ken Nordin, finalement, elle aura été comme ça, entre le yin et le yang, entre finalement un certain côté obscur de la force ultra-carriériste et au service de l'industrie. Et donc, avec de l'argent à la clé, bah oui, bravo, bien à lui. Et puis, en même temps, dans une stratégie complètement underground, appelons-le comme ça, avec son projet World Jazz, avec cette Beat Generation, cette post-Beat Generation, et puis toutes les effluves jazz que va conjuguer Ken Nordin. Le disque dont on va parler aujourd'hui est miraculeusement et exceptionnellement un projet qui va scinder les deux, c'est-à-dire l'attitude publicité commerciale, le vrai job de voice-over, et celle d'un poète beat sur un jazz et des compositions quasiment avant-garde pour l'époque. Alors expliquons-nous. 1966, sur la radio, et toujours sur la radio, la société de peinture, Fuller Paint Company, ça existe encore aujourd'hui, passe commande d'une série de publicités qui font donc l'éloge des peintures Fuller Paint, et dont le concept consiste à narrer sur une minute une couleur et expliquer il ne s'agit pas d'ailleurs de faire une explication technique sur la couleur, on n'est pas là, bien sûr. À partir du moment où ils vont louer les talents de Ken Nordin, parce qu'il est très repéré à ce moment-là, c'est pas pour lui demander de lire un texte de pub à la con. C'est pour lui demander de penser une petite poésie sur un thème de couleur. Et ainsi créer 10 courts poèmes de 90 secondes, de 60 à 90 secondes, sur une couleur donnée. Et ça marche du feu de Dieu. Mais ça marche tellement que les auditeurs en redemande. C'est-à-dire qu'ils disent, est-ce que vous pouvez repasser ça ? Parce que les éditeurs associent ça finalement encore pas tant à de la pub qu'à une vraie musique. Et il va de soi que c'est impossible. Parce que vous n'allez pas repasser à la demande une publicité sous prétexte que quelqu'un vous la demande, ou alors vous allez renégocier le contrat avec la société mère. Donc Fuller Paint Company ne veut pas non plus rajouter de l'argent comme ça. Pour la petite histoire, d'ailleurs, Fuller Paint Company a un rapport extrêmement étrange avec la musique. Ils avaient, dans les années 20, commissionné John Philip Sousa pour leur faire la musique d'une... leur musique. Alors, John Philip Sousa, ça ne vous dit pas grand-chose comme nom, mais John Philip Sousa, c'est le compositeur de toutes les grosses marches militaires et fanfares américaines. Et a commencé par la plus connue de toutes, le Star Spangled Banner, qui est donc l'hymne américain. Voilà. Donc après, John Philip Sousa, quand une société hautement capitaliste et rayonnante comme Fuller Paint Company veut s'ouvrir les services de quelqu'un, elle y va. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire que Ken Nordin va travailler dans un confort absolu, avec un super studio, qui l'installera d'ailleurs au troisième étage de sa maison à Chicago. Un ingénieur du son à demeure, mais un projet qui s'arrête sur 10 épisodes. Ken Nordin dit, pas de problème, gardons le projet, on enlève la marque, et après les 10 couleurs de base, ajoutons d'autres couleurs. 24 couleurs. Et in fine, dans l'édition tardive, définitive du projet, par le label Ashfodel en 1995, 34 couleurs. Donc ce que vous allez entendre, C'est une suite de jingles, d'une certaine manière, plutôt étoffée, de 90 secondes, approximativement, mais enfin, oui, c'est ça, c'est... le plus long fait 1 minute 42, sinon c'est 1 minute 32, donc on est vraiment sur 90 secondes, avec des couleurs comme olive, burgundy, la lavande, le jaune, le vert, le beige, le marron, mais aussi des couleurs qu'on n'attend pas, chartreuse, chair, ambre, bleu et plus bleu que bleu, voilà, et même le noir qui conclura l'affaire. Donc, un disque haut en couleur, pardon d'oser le jeu de mots, mais évidemment ça ne peut pas être autrement, et vous allez le voir, avec une musique extrêmement marquée, qui souligne extrêmement bien la voix de Ken Lorning, mais c'est clairement la voix qui est au centre. C'est clairement la voix qui est forte, qui domine. C'est une voix qu'on entend plus fort que la musique. Donc on est dans quelque chose comme ça qui sonne finalement assez différemment d'un jazz ordinaire. Clairement. Les lyrics. Alors, prêtez l'oreille. Je vous en prie, prêtez l'oreille. Parce que c'est parfois inénarrable, c'est délicieusement sardonique. C'est pas spécialement au service d'un produit, hein, loin de là. D'ailleurs, sur les versions éditées par la suite, on va être totalement expurgé du sponsor initial. Il n'est plus question de faire apparaître Fuller Paint Company. Mais voilà, si je prends Green, par exemple, Green, et dont je vais traduire comme ça le propos liminaire, puisque ça cause pas mal, même en 90 secondes, vous allez voir, il y a le temps de dire des choses sur une couleur. Et bien, sur le vert, Ken Lorning nous dit, en tant que vibration intellectuelle coincée au milieu du spectre, le vert pourrait poser problème. C'est parce qu'il y a tant de vert à l'intérieur du vert. Et chacun a un quotient intellectuel différent. Voilà. Donc on va les croiser, ces couleurs, à intellectuels ou pas, avec des QI hauts ou des QI bas. Je propose qu'on se retrouve dans quelques... Je dirais pourquoi après, c'est très compliqué, parce qu'il y a plusieurs formules, formules de ça. Et moi, je vais vous proposer la formule de base à 24 titres, et je reviendrai un petit peu sur son commentaire après. En tout cas, la bienvenue sur les couleurs, dans l'ordre, olive, bourgogne, lavande, jaune, vert, beige, marron, écru, chartreuse, turquoise, blanc, chair, orange, pourpre, ambre, bleu, plus bleu, indigo, boue, or, rouge, rouge de fin et noir. Rosa Jazz, et c'est tout coloré. Ken Lorning sur Cargo Cult. Olive, poor thing, sits and thinks that it's drab. Sure does. Sits and sits and sits and sits and thinks about its olive drab. Drab doesn't know that it is about to be named color of the year by those with a nose for the new, by the passionate few. Yeah, olive is definitely in. Everything that can possibly mean anything, anywhere, at least for a year, has got to be olive. Did you hear that, olive? Did you know what it means? Oh, olive. There'll be olive cars and olive trucks and olive chickens and olive ducks and olive socks and olive garters and olive brakes and olive starters. Olive sorry, olive please, olive whatnots and olive trees. Olive trees. What a quaint notion. Olive trees. Burgundy is fat. Sorry to be so blunt, but that's burgundy. fat. Burstingly burgundy, so. But also soft, so fatly soft, so softly fat, that you begin to wonder, really, how does burgundy, soft and as fat as it is, manage to keep up? Where does it hide its huffing and puffing? And the deep, deep drowsiness after the tall dinner. Come, come, big burgundy, what do you weigh? How much have you gained since the beginning? Beautiful, burgeoning burgundy, big, big burgundy, fat, fat, fat, as a burgundy cat. Lavender is an old, old, old, old lady. Lavender is, aren't you? I thought you were. Lady Lavender in the indigo house by the purple wood. Cobwebbed by spiders in magic magenta. Lavender, keeper of dark corners and black blue blood. Lady of the soft edges, tell us all, or tell me, where day goes with night and what they do there. And what it means. The questions fall on your lavender lap, and your answer is a lavender laugh in a lavender cry near a lavender what? By a lavender why? In the beginning, oh, long before that, when light was deciding who should be in and who should be out of spectrum, yellow was in trouble, even then. Seems that green, you know how green can be, didn't want yellow in. Some silly primal envy, I suppose, but for whatever cause, the effect was bad on yellow and caused yellow to weep yellow tears for several eternals before there were years, until blue heard what was up between green and yellow and took green aside for a serious talk, in which blue pointed out that if yellow and blue were to get together, not that they would, but if they did, a gentle threat, they could make their own green. Oh, said green with some understanding. Naturally, by a sudden change of hue, green saw the light and yellow got in. Worked out fine. Yellow got lemons and green got limes. As an intellectual vibration, smack dab in the middle of spectrum, green can be a problem. That's because there's so many different greens inside of green, and each one has a different IQ. There's the green that should never have happened, the stupid green. the green that is green with envy. Then there's the so-so green, the who cares anyway green. But somewhere in green is a green here and there that has something to say. A truly intelligent green. A green with some integrity. That's the kind of green for you and me. There's a green to be seen with. Vivid, vibrant, living alive. We should spend the better part of our time, yours and mine, with a green like this. Maybe some of it would rub off. Impossible to understand beige unless you stare at him hard, stare him right in his whys. Unless you see beige in the serious beigeness of being its beige self. More than anything, beige is careful, insanely so, really. Almost as careful as that shade of yellow that's afraid. But beige is much sneakier than yellow. Wants the entire everything to be as safe as yesterday is, now that right now's here. You know how flamboyant red can be. Wouldn't last a minute with beige. Probably wouldn't get past his secretary, Miss Always Light Tan. Beige even thinks that orange is a little too far out, the way it streaks sunrise and set. And just the mention of green, and beige sees purple, which also drives him into a rage. Of course, it's only a beige rage. Not much strength to it. To be honest as Lily White, the truth is that beige is anti-color, unless the color is right. Unless the color is beige. About as average as you can get away with seeing is the gray way beige likes to have things being. Think of the times, the number of times that you can make rhymes with that friend, maroon. There's the month of June, maroon. There's a singer's croon, maroon. As she sings a tune, maroon. To an orange moon, maroon. Like a crazy loon, maroon. Please say prune, maroon. With a silver spoon, maroon. How high is noon, maroon? Tell me soon, tell me soon, tell me soon, tell me soon. No telling the times and number of rhymes that we can make with our friend maroon. Platoon, cartoon, monsoon, lampoon, spittoon, baboon, octoroon, macaroon, buffoon, afternoon, opportune, pantaloon, immune. Yeah, there's so many rhymes for good old maroon. I'm sure if you try, you can think of a few that have slipped me by. See what you can rhyme with maroon. Do it soon, do it soon, do it soon. Is a critic, loves to see the show, just doesn't know when to say yes and when to say no. But that's because of beige. You see, beige has taught Ekru a funny point of view. The true is like false, and false is like true. Who can expect to get anything straight? Like an answer, I mean. From an Ekru that thinks, or thinks that it thinks by the thought it was taught, that love is the same as hate, that shouldn't's the same as should, that dumb is the same as smart, that bad is the same as good. A kind of critical confusion in critic could have complications almost arithmetic. Those of us, are there any? Too many. Who have to know exactly what to do, what to see, what to say, what to think. Have to wait until Ekru is ready with his double talking trait to make steady unsteady, calling crooked straight. But what the heck, you know Ekru. Just a freeloading critic who loves to see the show. Just doesn't know when to say yes or when to say no. Chartreuse wanted to quit. Why not? Figured it would go off somewhere. Be by itself. Maybe let green or yellow take over. Get away from it all. That's what Chartreuse wanted. Who needs chameleons? What difference would it make in the immense design of things if certain feathers were some other color? Parrots wouldn't care. Nor would parakeets. But what about the leaves of rhubarb? Oh. Chartreuse began to tremble just thinking of the trouble rhubarb could make. You know rhubarb and the rhubarb that rhubarb could cause. So Chartreuse decided not to give notice, not for a while anyway. Besides, isn't that a nervous katydid over there that needs a new coloring? Of course. Chartreuse gonna stay, 'cause it feels used. Gee, you shouldn't have. Of course you did, couldn't help yourself. Had to. Turquoise, don't you know how simple you are? Don't you know what effect you're having on everything? See the flash of you, Turquoise, there, by her gliding through the light, and by such swifts and shifts of slight. Also, there you go, all streaks of turquoise blur, definitely so. And here a turquoise all tender, trembling like water. What do you think of a turquoise like that? Then there's this turquoise. And that turquoise. Oh, turquoise, you shouldn't have. Of course you did. Couldn't help yourself. Had to. Isn't that right? Oh, there's something that you can tint. Turquoise. Take a close look. Yeah. But much closer than that. Take a real close look. You begin to see why. There's much more to white, much more than can ever meet the eye. Like, look over there. There. You see that, white? Sure looks for sure like the white that's called pure, but it isn't. Not at all. That's an off-white white. Sorry. Just doesn't quite measure up. Falls short. absolutely pure, pure white is just a dream of a dream. Even now, if you close your eyes tight and let your brain go to where it's whiter than snow, you'll see, you'll know. The whitest white that white can be white, as imagined by you, imagined by me, as the purest of pure, pure white, is just a little bit off, just a little bit off white. Off white, white. Off white, white. Flesh, as a color, is in an awful mess. Yes. Ask anyone with flesh, they'll tell you. Flesh, as a color, is about as close to a problem as a color can get. Some people think the only color flesh color should be is the color their flesh color is, which, pure and simple, is color-centric thinking. Popular in some corners. But you and I know, though, that the proper color for flesh to be is the proper color it is, varying from complexion to complexion. But if black flesh and white flesh and brown flesh and red flesh and yellow flesh and tan flesh, if all the fleshes that are flesh want to establish a sensible similarity among differences, we'd better forget the flesh and the colors it can be and think on the spirit and its singular light. Otherwise, flesh as a color could be black and blue or even a bloody hue. Take all the colors under the sun. Only one color I think much fun, and that's orange. Orange, I said, the silly old color who lives next to red. The one that is orangely out of its head, that giggles and titters and rolls in the aisle. No matter what happens, guffaws all the while. Old orange, as flip as a high-spinning coin, or a stone skipping lottery skips. As free as a spree with a bird supposed to be, if a spree with a bird could be free. Why not? An orangey bird with orangey wings, with orangey songs that it orangey sings, that orangely comes as it orangely goes, laughing in orange from its head to its toes. When everything's orangey goofy like this, trouble's a joke, just an orangey joke, so sorrow and sadness and sigh. Just jokes to poke orangey pokes at. Only one trouble. Trouble's orange, if you please. That's in the morning. It's the trouble called squeeze. Changing orangey orange into vitamin C's. Purple. All dignity. All pomp. All put on. Has an aura to be felt as well as seen. Purple has class. Some say the highest. They stand in awe of purple. Royally, loyally in awe. This alone makes pompous purple king. King Purple feels there's a right that is his, that goes way, way back to beginning, to the place where pomp began, that is purple pomp. Some say, those in the know, that purple got pomp from the first of the purple queens, from Mother Pomp, who thought it all up the purple dignity, the purple pomp, the purple put on, thought it all up. So anyone purple, from then until now, would never have to ever, ever work. And that's why purple is king. Amber believes in being neutral, or more correctly, has been placed in a position to make it appear that that is its truth. Pure amber neutrality. Here, in the dizzying come and go, amber, being in the middle, observes a most careful disinterestedness, plays referee in the roundabout between red and green. Amber, from its vantage, winks among the many millions stops and goes, because amber knows from the bottom of its amber that even creatures made in God's image, even something as smart and as special and as serious as that, has to be told when to stop, has to be told when to go. Or the monuments to gregarious that we call cities would become huge, falling apart, hopelessly snarled, bumper to bumper, horn blasting monuments to traffic jam. If amber would be on all the time, staring, neutral, amber, deaf to a million angry, biased horns. Is the subtle one. Russet is the quick one. Russet is the obvious one. Russet is the slow one. Russet knows what goes. Russet, a fool to its toes. Russet, as wise as an owl. Russet, as dumb as a scowl. Russet just kind of is. Russet makes sense though. Russet, nonsensically so. Russet, like a hero full of zero. Russet. Russet. As sure as there's azure, it's true. Azure is bored with just being blue. A fact that has caused our dear friend to act sort of silly, like he's at his wit's end. Azure's as way out as wink. Maybe more out than that. Maybe winkier than wink. You'd never have guessed, but Azure can think of the craziest things to do. Besides tinting the atmosphere's top, I mean. The part we all call sky blue. Azure would rather, so I've been told, let the sky be a white, upside-down bowl that Azure could azure with clouds inside. Or possibly freckle with birds. Look, if Azure could read or write in a book, it would want every thought it could azurely think to be written in Azure with Azure ink. Why? just to be different. That's the name of the game. You see, Azure can't stand being anything sane. Time was when blue was the saddest. Sadder than that, blue was the bluest. Blue can be blue. No one seemed to care, least of all blue. No, blue wasn't making it. But then, on a Thursday of a year, who can remember except blue? Something sudden happened. Blue went as high as sky is high, flipped fathoms up, began to swing easy, sensibly, the way swings should be swung, like birds sing a song. Now everyone loves the new blue, 'cause it's the truest. You will too, when you see this blue. True blue, too true. True blue, too true. Have you heard about magenta? Magnificent news. Has her own gossip column. And almost the freedom to say almost anything she almost wants. About almost any color, shade, tint, or hue that you and I know. Think of the juicy little tidbits of inside that we can get from her. Exclusive peeks at what Lavender said to Magenta about the way Fuchsia's been fooling around with Cerise, while Russet is off to who knows where with Forest Green and all his crony colors. That sort of thing. You know how witty and well-connected Magenta is. In no time at all, her column will be as much a part of the grievening blues or the afternoon capers as the stock quotations. Did you see her column on Heliotrope? The whole column. Was it ever an eye-opener? Seems that Heliotrope is taking instructions from Indigo in color balance. Think of that. Why, magenta might become as big as chartreuse, or maybe even turquoise, now that she has a column of her own. I'm so glad for magenta. Funny thing about mud, it's a color that isn't thought of as so. But as sure as there's green leaf green or blood red blood, you can also be sure there's muddy mud mud, as a color, I mean. And which, if it weren't all around, would leave little hope for a bar we call soap. Mud, or muddy, whichever you prefer, is the bane of existence to every human her. But to the sellers of soap, mud, or muddy, is the great white hope. Hooray for dirt, and even dust. Both are considered a muddy mud must. So next time you say oh no to yourself when muddy mud mud makes dirty what's clean, think what this doggerel's logic has been as you take from its shelf the antidote soap. If there wasn't a color called mud or muddy or muddy mud mud, there would be very little hope for soap. Oh, where would we be if we didn't have gold to back us all up? If we didn't have gold as a standard? What a terrible question to pose. What a terrible question to ponder. Now, who would pose questions like those? Think of the gold, of the goody good gold that we love so much more than just much. We love it so extremely extreme, we make sure that the plenty there's of it is always locked up, guarded by guards who have guns, guns with real bullets inside them, ready to shoot anyone dead who comes for the gold who shouldn't. And all of this, of course, is all right. Righter than that. As right can be right. Still, there's a problem. I hate to bring it up, but unnatural nature has done it again. Evoluted a moth, slightly metallic, who I've been told can nibble away at our dear, precious gold, leaving terrible holes. Holes you can see right through. Leaving us gold reminiscent of Swiss. Oh, what the bankers must think of this. Swiss gold. There's something in crimson. Something that should be stopped. Now, not later, but now. Here's why. Crimson is sick, sick and it's red. No telling what crimson might do if the notion should start in its head. Might blow us all up, who knows? Know what the trouble in crimson is? Doesn't know when to stop. Always wants more and more and more and more. I'll bet you that every war that's ever been fought was fought most of all because Crimson was taught to want more and more and more and more. Like I said, Crimson, you're sick. Sick in the red. No telling what Crimson might do if the notion should start in its head. Watch out! Watch out! For Crimson! Black. As the Ace of Spades is. Black. As a hole in Calcutta is. Black. As a jack in the game is. Black. As my true love's hair is. As a dreamless sleep is. Black. As a midnight is. Black. As closing your eyes tight is. Black. As a little black sheep is. Black. One in every family. Black, black, black, black, black. Black. L'ultime la dernière, peut-être la plus belle couleur de Ken Nordin. Quel disque ! Alors, je suis très content que vous réagissiez, dis donc. Parce qu'effectivement, c'est un disque obscur et en même temps totalement révélateur de plein de choses. Et à la fois dans la contre-culture, mais aussi dans la culture pop. Ça, c'est assez rare que finalement ce genre de truc arrive. Je parlais tout à l'heure de cette poésie hein, des textes de Ken Nordin, parce que certes, c'est une voix, mais c'est un auteur aussi. Et sur le site, Julie Dest nous trouve qu'il y a quelque chose de Lewis Carroll. J'aime bien cette idée, absolument. Cette poésie comme ça, un peu fantastique, mais aussi terriblement ironique, voire parodique. À la Lewis Carroll, évidemment, on n'est pas loin de ça. L'album sortait en 1967, donc, avec ce sous-titre formidable, « A Sensuous Listening Experience ». Une expérience d'écoute sensuelle. Ben oui, et sensuelle au sens propre, quoi. Ouverture des sens, les yeux, a priori, sur la couleur, mais ici aussi, on parle d'odeur, on parle de sensations à satiété. Alors, retour sur Ken Nordin et son impact dans la culture populaire. Y a le plus fondamental est... Et j'ai nommé tout à l'heure, effectivement, les trailers de films hollywoodiens par paquet, mais aussi beaucoup les pubs Levi's télé, pour lesquels Ken Nordin sera la voix Levi's pendant 20 ans. L'un des faits les plus glorieux de Ken Nordin en voice-over, on le doit à un film que tout le monde connaît, et sa présence hein, vocale dans un film que tout le monde connaît, c'est dans L'Exorciste, le fameux film de William Friedkin, où quand Linda Blair, qui est donc l'enfant possédé, harnaché sur son lit, quand le diable la possède, elle se met à avoir une voix extrêmement grave, remplie de haine et de fiel. Et bien sûr, c'est Ken Nordin qui lui donne cette voix-là. Donc, rappelez-vous la scène, retrouvez-la en ligne, hein, évidemment, on est dans une scène culte du cinéma. Et derrière Linda Blair, Ken Nordin. Les rapports de Ken Nordin avec la contre-culture a toujours été assez intéressant à observer. Je parlais de la Beat Generation tout à l'heure, bien sûr, il y est en plein, et en même temps, il est cette espèce de grand frère bienveillant sur les vrais poètes beat. Mais de fait, lui va devenir une influence certaine sur toute une palanquée de gens qui vont suivre. Nul ne sera étonné que Tom Waits lui-même, ouais, cite Ken Nordin comme une influence. De manière plus intéressante et assez inattendu, finalement, Ken Nordin va travailler avec le Grateful Dead, et sur quelques albums, en fait, sur des concerts aussi. Il se rencontre en 1990, la rencontre entre Jerry Garcia et Ken Nordin date de 1990, et là encore, ça donne lieu à une expression multimédia, au sens propre. Il y a de la scène, il y a de la radio, il y a du disque, différents broadcasts. Les broadcasts eux-mêmes se baladent d'une radio à l'autre. Donc on est dans une espèce comme ça de stratégie de diffusion assez underground, quoi, mais très réseautée. En 1990, la notion de réseau n'est pas si évidente que ça. En tout cas, elle est plus confidentielle qu'aujourd'hui, où elle est partout et évidemment dominante. On doit aussi à Ken Nordin une relecture assez, alors un petit peu factuelle, mais j'aime bien ce travail avec alors d'autres jazzmen vachement intéressants, hein, Bill Frisell, la basse de Bill Frisell, Wayne Horvitz, qui faisait une relecture des vieux films de Walt Disney. Et lui, il s'était mis en charge de parler de Pinocchio. On voit apparaître Ken Nordin aussi. Et là, un peu tardivement, dans les années 2000, dans la bande Ninja Tune, le label de Calcutta, et spécialement sur un disque fait avec DJ Food. Le titre n'est pas génial, je ne vais pas vous mentir. Je veux dire, tout avait été fait avant, quoi. Donc, bon, les jeunes loups qui retrouvent papa Ken Nordin et puis s'empressent de le mettre dans un feature, ok, hein, ça participe d'un bal hommage, mais ça ne révolutionne pas le truc. Cependant, j'adorerais le titre, l'intitulé du titre de DJ Food, qui s'appelait « The Aging Young Rebel », donc le jeune rebelle vieillissant, traduisons-le comme ça. Pour la petite histoire, c'est vraiment une petite histoire dans l'histoire, mais l'album Colors de Ken Nordin est considéré par le site à la fois futile mais en même temps indispensable, EliteDaily.com, comme, je le dis en anglais, c'est plus savoureux, « This is the only album you absolutely have to listen while you're stoned on 420 ». Bon, 420, ça désigne l'usage cannabique en slang américain, donc voilà. C'est l'album le plus indispensable que vous deviez écouter quand vous êtes stone sous cannabis. Alors je veux bien le croire, et en même temps j'ai tendance à penser que si on veut vraiment rentrer dans le texte et la saveur du texte, le strict effet cannabique peut quand même vous faire légèrement décentrer de la compréhension globale du machin. Mais bon, réessayez, hein, chez vous, l'expérience. Je suis content de le faire très clair aujourd'hui avec vous, ça me paraissait mieux. Voilà. Ken Nordin reste dans l'histoire, hein, et tant mieux, avec la série des World Jazz notamment, hein, puisque une fois que World Jazz a été initié en disque, je le disais, je le rappelle, il y avait une pérennisation du concept pendant 40 ans, même au-delà. Sachez que beaucoup, pas peut-être probablement pas tous, mais la plupart des World Jazz sont archivés sur archive.org, donc c'est facile à trouver en un coup de moteur de recherche. Il y aura beaucoup d'infos aussi sur ce radio show qui seront très très intéressantes. Donc je vous incite vraiment à y aller. J'ai quelques minutes à passer avec vous encore, et je vais le faire avec un des titres de Ken Nordin les plus saisissants. Déjà, Colors, ce qu'on écoutait, est assez incroyable quand même, mais celui-ci est saisissant dans le sens où, d'abord, il le précède 10 ans avant. Donc c'est un extrait de World Jazz, le tout premier album du nom, celui qui lance le concept World Jazz en 1957, et c'est son morceau de sortie qui s'appelle Sound Museum. Sound Museum dit tout. Sound Museum raconte un hypothétique musée du son. Ouais, dans 57, c'est génial. Littéralement, c'est ce que dit d'ailleurs en exergue du morceau, c'est un morceau assez long, vous allez le voir, on n'est plus du tout dans les 90 secondes de Colors, et des petites vignettes de Colors, on est dans un titre qui fait 8 ou 9 minutes. Et c'est l'histoire, enfin, c'est la découverte d'un musée abstrait dans lequel on nous montre des peintures sonores plutôt que des peintures colorées. C'est génial. Pensez donc, en plus, à un moment où la notion d'art sonore n'existe pas. Certes, elle est là, mais elle n'est pas clairement exprimée. Vous vous en doutez bien, 57, quoi. Donc, c'est Sound Museum. Et toujours avec cette forme de parodie, hein, quand même, cet humour un peu glacé, derrière tous les textes de Ken Nordin. Ce sera notre morceau de sortie. J'étais très heureux de vous faire découvrir cet album-là aujourd'hui. Merci encore de vos commentaires. Vous pouvez continuer parce que après ce morceau-là, il nous restera quelques minutes, pas beaucoup, mais quelques minutes pour dialoguer ensemble si vous le souhaitez. Bonne écoute de ce Sound Museum de Ken Nordin. C'est notre conclusion de Cardo Cult, le titre de 1957. Right now, before we go anyplace else, I want you to go with me to a special place that I know. It's a museum, but it isn't an ordinary museum. It's a very abstract museum in which they show sound paintings, if you can say that you show sound. But I don't see why you can't. But here we are in this corridor. Some of the most beautiful works of art are here. Here's one right here. This is by a very fine young artist. Here, let me turn it on. My that sold for $2,000. Makes a lot of money actually doing these things. But now I'd like to turn your attention to this work by an artist who is a World War I veteran. Actually, I don't feel that this, for me, says what he intended it to say. And yet there are those who listen to it, and it says a great deal to them. Well, here, I'll turn it on, and you'll see what I mean. You can see that he uses limited color range. Of course, that's understandable. I'm glad that it's here, though. But enough of that. Let's go on to the next work that I want you to see. Now, this is a sound painting that is indicative of the neurotic feeling of our time. The artist is very young, shows great promise, and I'm glad that the work is exhibited here. Let me turn this painting on and... I think you can see my point. Now, the artist that did this, fortunately, is under sedatives at the moment, and we expect that his later work will be much calmer and quieter. But we do like to give these young neurotic artists a chance, and so I'm glad that the museum has been big about the whole thing, as it were. But let's go on, because there's one work here that's been done by Janusz Cunningham. This is a professor from another country, actually, but his work is revered here. We have quite a few of his works, but this particular one I want you to listen to very carefully, because it has an exquisite sense of rhythm. This is a young man who has 6 children, and it's amazing to me that he can turn out this kind of work at home with the children around. But he says that they help him. If you'll read it, Cunningham, it says, "Dedicated to my 6 children." Well, here, I'll turn it on and you can hear it for yourself. Just beautiful. Yes, that is one work that the museum should well be proud of. However, I would like to have you come with me now, and we'll open this black door at the end of the corridor here. I won't be able to keep it open very long, and I think you'll understand why. Here, I'll open it like this, just a crack, and you listen. See what I mean? I'll close the door. It's the reason it's black. Here, let me open up this door. It's just covered with beautiful colors. And we'll hear what's on the other side of this door.